Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Jean 1, 43 à 46. 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Dans les versets précédents, nous avons lu les événements se déroulant sur 4 jours consécutifs. Le premier jour, une délégation est venue de Jérusalem. Le deuxième, Jean a proclamé Jésus comme l'agneau de Dieu. Le troisième, Jésus a appelé 4 disciples. Le quatrième, il a appelé Philippe et Nathanaël à rejoindre le cercle des disciples. C'est Jésus qui est allé vers Philippe. Philippe avait sans doute appris du Baptiste que Jésus était parmi eux. Il fut surpris lorsque le Baptiste désigna Jésus comme l'agneau de Dieu. Philippe n'osa pas s'approcher de Jésus. Il souhaitait connaître le Seigneur, mais se considérait indigne d'une relation avec le divin. C'est donc Jésus qui est allé à lui. Il a balayé ses scrupules et l'a invité à se lever et à le suivre. Jésus avait le droit de choisir ses hommes, car il les avait créés, aimés et rachetés. Ce n'est pas nous qui choisissons de l'accepter. Il nous voit en premier. Il nous a cherchés et trouvés et nous appelle à son service. Il n'y a aucune suite sans appel, aucun service utile sans un ordre de Christ. Celui qui sert dans le royaume de Dieu, sans avoir été choisi pour sa tâche, se fatigue et gêne les autres. Mais celui qui écoute Christ et est prêt à lui obéir, jouira de l'attention de Christ qui sera responsable de lui en tout temps. Philippe partit immédiatement évangéliser et annonça la bonne nouvelle à son ami Nathanaël. « Nous avons trouvé le Messie !» Et non, j'ai trouvé. Il s'inclut humblement dans la confession de l'Église. Il semble que Jésus ait informé ses disciples sur le déroulement de sa mission, mais il ne dit rien sur sa naissance à Bethléem, ni sur son père adoptif Joseph. Les disciples ne savaient alors rien de sa vie. Nathanaël était doué dans les Écritures. Il avait cherché les promesses concernant Christ dans les livres de Moïse et des prophètes. Il savait donc que le Messie naîtrait à Bethléem de la lignée de David et qu'il régnerait sur son peuple. Nathanaël eut de la peine à accepter le fait que le Messie vienne de Nazareth, une petite ville, même pas citée dans l'Ancien Testament, et dont aucune prophétie ne faisait mention. Il se rappela que c'était l'endroit où le parti des Zélotes fanatiques s'était révolté contre Rome. La révolte avait été écrasée et avait fait de nombreuses victimes. Ces faits n'intéressaient pas Philippe. Sa joie avait été grande de rencontrer Christ. Son enthousiasme balaya les doutes de Nathanaël. Coupant court à tout argument, il dit « Viens et vois ». Cette devise est la base de l'évangélisation. Elle permet d'expérimenter la vérité et y conduit. Viens et vois. N'entrez pas dans les débats sur Jésus, mais expérimentez sa puissance et sa présence. Notre témoignage n'est pas basé sur des pensées imaginaires, mais sur une personne qui est vraiment Seigneur. Prière. Seigneur Jésus, merci pour ta joie qui remplit nos cœurs. Entraîne-nous dans la beauté de ta communion pour conduire d'autres à toi. Donne-nous le désir de prêcher avec amour et patience, et pardonne-nous nos peurs, nos excuses et nos gênes. Permets-nous de proclamer ton nom avec courage. Question 22. Comment les premiers disciples ont-ils annoncé le nom de Jésus aux autres? Jean 1, 47 à 51. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nathanaël fut quelque peu décontenancé en réalisant que Jésus avait lu dans ses pensées. Il était un croyant, selon les normes de l'Ancien Testament, car il avait confessé ses péchés à Jean-Baptiste et aspirait sincèrement au royaume de Dieu. Ce n'était pas du pharisaïsme, mais l'attitude des cœurs brisés à cause du péché, implorant Dieu d'envoyer le Messie, le Sauveur. Jésus a entendu cette prière et, de loin, il a vu le suppliant à genoux sous un arbre. Ce pouvoir de révéler les faits cachés en l'homme est une perception divine. Jésus ne l'a pas rejeté, mais l'a justifié en le décrivant comme un modèle fondé dans l'Ancien Testament, dans l'attente de la venue de Christ. L'éloge du Christ dissipa les doutes de Nathanaël. Il céda à Jésus et l'honora en citant les titres bibliques désignant le Messie, Fils de Dieu et Roi d'Israël. En prononçant ces expressions, Nathanaël s'exposait à la mort, car les scribes et les membres du Conseil des Juifs niaient le fait que Dieu est un fils. De telles paroles étaient blasphématoires à leurs yeux. Le fait de reconnaître un homme comme roi d'Israël aurait pu entraîner la persécution par Hérode et son arrestation par les autorités romaines. Ce croyant sincère a démontré sa compréhension de l'importance des promesses révélées aux prophètes. Il a craint Dieu plus que les hommes et l'a honoré en lui conférant le titre de père sans tenir compte des conséquences. Aucun des disciples n'avait encore attribué ces titres à Christ. Il est surprenant que Christ ne les ait pas rejetés et qu'il ait suscité la sensibilité de Nathanaël en lui montrant les cieux ouverts. Christ était tout le temps entouré d'anges invisibles qui montaient au ciel, présentaient ses miracles au Père et retournaient au Fils, les mains pleines de bénédictions. Ainsi s'accomplit la vision de Jacob, car en Jésus se trouve la plénitude de la bénédiction, comme l'écrit Paul. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Depuis la nativité de Christ et son baptême, les cieux sont restés ouverts. Auparavant, ils étaient fermés compte tenu de la colère de Dieu et des anges en gardaient l'entrée avec des épées. La porte qui conduit à Dieu est maintenant ouverte en Christ. Pour la première fois, j'en cite la phrase typique de Christ, « en vérité, je vous le dis ». La réalité de cette ère de grâce est si noble qu'elle dépasse toute compréhension humaine. Et pourtant, l'homme en a besoin, comme base divine de sa nouvelle foi. Si Jésus insiste de cette manière, c'est que nous devons nous arrêter et réfléchir sur ses buts. Puisque ce qui suit cette expression correspond à une révélation spirituelle dépassant notre entendement. Après cette proclamation, Christ corrigea le témoignage de Nathanaël pour éviter toute persécution envers lui et la nouvelle Église. Il ne confirma pas être le roi promis, le Fils de Dieu, mais se désigna comme le Fils de l'homme. Ce titre était celui que Jésus utilisait généralement en parlant de lui. Seule sa chair était destinée à la destruction. Il est devenu comme nous. C'est un grand miracle. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour mourir comme agneau de Dieu à notre place. En même temps, ce titre, Fils de l'homme, se réfère à un mystère mentionné dans le livre de Daniel. Dieu a chargé le Fils de l'homme du jugement. Nathanaël a réalisé que Jésus n'était pas simplement un roi et un fils, mais aussi le juge du monde, le divin sous forme humaine. Ainsi, Jésus a conduit ce croyant à une foi d'une intensité supérieure. Une telle foi n'est pas évidente, puisque Jésus était un jeune campagnard. Mais par la foi, les disciples ont vu la gloire cachée en lui, avec les cieux ouverts au-dessus. Prière. Nous t'adorons, Fils de Dieu et Juge universel. Nous ne méritons rien d'autre que la colère, mais nous implorons ton pardon par la grâce et ta miséricorde pour nos amis. Déverse tes bénédictions sur tous ceux qui cherchent Dieu, afin qu'ils puissent te voir, te connaître et t'aimer, te faire confiance et grandir dans la connaissance et l'espérance. Question 23. Quel lien y a-t-il entre les titres « Fils de Dieu » et « Fils de l'homme » ? Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, Boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.